Si vous appelez quelqu'un au téléphone et qu'il n'est pas là, on vous dira « he is not in ». Il n'est pas là. « He is not in ». Au lieu de dire « là »,« there », on emploie dans ce cas l'expression « he is not in ». Il n'est pas à la maison. « He is not in » ou « she is not in ». Comment dit-on « voulez-vous lui dire de m'appeler ?»« Will you tell him call me back, to call me back ?»« Will you tell him ?» ou « will you tell her to call me ?» ou « to call me back, yes ». Rappeler se dit « to call back ». So, « will you tell him ?» ou « will you tell her ?» ça dépend du sujet. « To call me ?» ou « to call me back ». Au lieu de dire « will you tell him ?» to call me back, « will you tell her to call me back ?» en anglais, on peut aussi dire « voulez-vous le faire ?» ou « la faire me rappeler ?» C'est-à-dire que l'on emploie « have ». Et puisqu'il s'agit d'une personne, on n'emploie pas le participe passé, mais l'infinitif sans le « to ». Alors, « faire », « la faire me rappeler », voulez-vous ? « Do you want ?» Voulez-vous, dans le sens de « s'il vous plaît ?» Ah, ben, « do you want to call ?»« Do you want ?» « Voulez-vous, s'il vous plaît ?» Ah, mais oui, « will you ?» Will you have her? Yes. Will you have her? Et l'infinitif sans le to. To call me. Sans le to. Oh, mais oui, sans le to. Call me. Right. Will you have her call me? Will you have him call me? Si vous voulez demander à quelqu'un de faire quelque chose, il faut employer have. Will you have? Après have, puisqu'il s'agit d'une personne, on emploie l'infinitif sans le « to ». Will you have him call me? Will you have her call me back? C'est une formule qu'on emploie souvent. Ça signifie la même chose que « will you ask him to call me? Will you ask her to call me? » Est-ce que vous avez bien compris? Oui, oui. Mm-hmm. Alors, si vous répondez au téléphone et que la personne n'est pas là, comment dites-vous « je vais lui dire de vous rappeler » I'm going to tell him call you back. To call you back. Right, I'm going to tell him to call you ou to call you back. Ou bien plus court, au lieu de dire tout ça, on peut simplement dire I'm going to have him call you. C'est une formule plus courte qui remplace je vais lui dire de vous rappeler. De vous rappeler, I'm going to tell him to call you ou I'm going to have him call you. I will have him call you. Comment diriez-vous? Il est parti. He is leaving. Il part. He is leaving. He was leaving. Non. Il partait veut dire ou se traduit par he was leaving. C'est he left. Right, he left. Yes, he left. Il vient de partir. He just left. He just left. Ou bien he has just left. On peut dire les deux. Je l'ai vu. J'ai vu ça. I saw it. I saw it. Je ne l'ai pas vu. I didn't see it. I didn't see it. Je l'ai vu au passé composé. I have seen it. Good. I have seen it. Et je ne l'ai pas vu au passé composé. I have not seen it. Yes. I have not seen it. Je viens de le voir. I just... saw it. Good, I just saw it. Ou bien, I have just seen it. Very good, very good. I have just seen it. Sans moi? Without me. Without me.